Bois frais, mon poisson. Monsieur et Madame Wolf gèrent une petite affaire d'import-export de poissons. Ils ont une petite cinquantaine, dirait Faustine, qui n'aura pas l'audace de poser la question. Et deux garçons de 10 et 12 ans, Andreas et Daniel. Leurs bureaux sont situés au rez-de-chaussée d'une superbe villa. Pour les aider, il y a deux apprentis boutonneux qui ont à peu près l'âge de Faustine. Le premier jour, le couple emmène la jeune fille au père pour un tour du propriétaire. Elle sera chargée du ménage, de la lessive, du repassage, des commissions de temps en temps. Les garçons n'ont pas réellement besoin de babysitter, mais une présence les soirs de sortie des parents sera bienvenue, de même que lors de leur voyage d'affaires. Faustine dispose de sa propre chambre où elle prend ses quartiers dans la foulée. Plus tard dans la journée, ses nouveaux employeurs l'invitent à visiter un terrain qui leur appartient dans les environs et où ils élèvent quelques animaux. « C'est leur endroit de ressourcement, explique-t-il. Il y a dans ce zoo miniature des lapins, des oies, deux chèvres et quelques canards. Leur fils ne s'y intéresse pas encore, il préfère rester à la maison. Daniel a tapé sur sa batterie et Andreas a joué avec son mécano. Sur le chemin du retour à la villa, il monte à Faustine les différents magasins où elle se rendra pour les provisions. La Migros, la Coop, la droguerie, la pharmacie, le kiosque pour les cigarettes, puisque tout le monde fume ici. Auberville est un ravissant village suisse-allemand, bien propre, avec sa place de l'église, sa rue de l'école, sa fontaine débordante de géranium. Faustine se sent chez elle. Ici, comme à Bâle, elle retrouve ses racines. Ces endroits inspirent confiance. On s'y sent en sécurité, même si on n'y voit jamais un flic. Toutes les entrées de Migros, avec leur odeur si caractéristique du café fraîchement moulu, tous les jardinets devant les immeubles, avec leurs incontournables buissons d'hortensia, projettent immédiatement Faustine dans sa petite enfance. Comme l'odeur des trottoirs après une pluie d'orage, ou celle, reconnaissable entre mille, qui promet la neige. Elle comprend très vite que les Wolfs ne sont pas des parents de substitution. Si elle manque de câlins, de tendresse, de complicité, ce n'est pas là qu'il faut chercher. Les garçons l'ignorent purement et simplement. Trop vieille pour jouer, pas assez pour avoir de l'autorité. Les adultes, eux, ont décidé qu'elle n'a rien d'intéressant à raconter. Ils ne lui demandent rien non plus et se contentent de lui donner gentiment des consignes pour ne pas dire des ordres. Ils sont trop occupés à gagner leur vie pour perdre du temps à babysitter la jeune employée. C'est la première fois de sa vie que Faustine inspire une telle indifférence. Au début, elle en serait presque blessée. Mais réfléchissant et réalisant ce que cela lui confère de liberté supplémentaire, elle en prend son parti assez rapidement. Si, comme ses parents, il s'inquiétait pour sa santé, il l'empêcherait de fumer, pense-t-elle, bien contente que ce ne soit pas le cas. Car très vite, elle en arrive à un paquet par jour. Elle constate également que les Suisses alémaniques ne tiennent pas leurs compatriotes francophones en très haute estime. Pour eux, ceux-ci sont des bohèmes assistés, un peu beaucoup paresseux, qui passent leur temps à festoyer ou à forniquer, ne travaillant que contraints et forcés, incapables de besogner avec la rigueur germano-saxo-teuto-prussienne qui est la leur. Dans le cas de Faustine, ce n'est pas tout à fait faux. Depuis le début de leur vie commune, papa refuse que maman perde sa vie à poutser. Chaque fois qu'ils peuvent se le permettre, ils engagent une femme de ménage. Dans ces conditions, pas étonnant que Faustine n'ait jamais appris à nettoyer les chiottes. Si, contrairement à certaines jeunes filles de son âge, elle aime que tout soit en place dans sa chambre, le balayage n'entre pas dans sa configuration de base. Ce que M. Wolf ne tarde pas à lui reprocher. Faustine se demande si ce n'est pas parce qu'elle lui a laissé entendre qu'elle était encore vierge, un soir où madame était de sortie et qu'il se retrouvait seul devant la télé. Elle lui avait coupé l'herbe sous le pied, l'empêchant de commettre l'irréparable. Toujours est-il que depuis ce soir-là, monsieur est devenu bien pointilleux et nettement moins gentil. Faustine apprend et tente d'organiser ses journées entre les différentes corvées, commençant à 6 heures du matin avec le petit déjeuner des garçons, finissant souvent à 11 heures du soir par le repassage. Sans oublier la cuisine. Le jardin des Wolfs abrite un prunier surchargé de fruits. La jeune fille au père est supposée débarrasser les fruits pourris et préparer un gâteau chaque soir avec les autres. Peu imaginatif et n'en mangeant point elle-même, Les fruits, quelle punition! Elle suit toujours la même recette, ce qui finit évidemment par lasser. On lui demande d'en changer, d'ajouter des noisettes moulues. Elle obéit, reproduisant la nouvelle version jusqu'à la fin des prunes. Inutile de parler confiture ou congélation. Jeunesse ne sait pas tout si vieillesse ne lui montre pas. Les parents, partis en voyage d'affaires, la jeune fille reste toute une semaine seule avec les garçons. Le premier soir, elle décide de préparer des crêpes. Ça, elle le fait bien. La voilà qui œuvre au fourneau. Pour rassasier les enfants plus vite, elle prend deux poêles, écoule la pâte, cuit deux crêpes en même temps sur les plaques de devant. Afin de servir les enfants devant la télévision, elle pousse les poêles sur les plaques arrière. Lorsqu'elle revient, elle attrape à pleine main les manches des poêles devenus brûlants d'être restés bien droits sur les plaques avant, entre-temps chauffées à blanc. Faustine pousse alors un grand cri et se roule par terre de douleur. Très vite, de grosses cloques apparaissent sur ses paumes. En larmes, elle ne pense même pas à les mettre sous l'eau froide, se contente de se tartiner de Nivea dans l'espoir d'atténuer la douleur. Grave erreur. On ne met jamais du gras sur une brûlure. Puis, elle enfile une paire de gants en caoutchouc et continue son travail. Les gamins n'ont rien remarqué. Ils n'ont même pas perdu une bouchée. Il faudra plusieurs jours pour que les brûlures s'estompent, que les cloques se percent puis sèchent. Faustine n'est pas encore tout à fait guérie quand les vols rentrent. Elle l'est juste assez cependant pour que personne ne se préoccupe de son sort. Heureusement, il n'y a pas eu d'infection. En septembre, Faustine s'inscrit au club de la Migros qui propose des cours d'allemand aux travailleurs étrangers. Y participent beaucoup d'Espagnols, d'Italiens et désormais de Yougoslaves fuyant la guerre, attirés par l'Eldorado helvétique. Elle se rend à ses cours une fois par semaine, consciencieusement. Hélas, la prof est une puriste qui prétend leur apprendre à écrire sans faute en 6 mois. Faustine, qui ne souhaite qu'être comprise et pouvoir lire un peu au-delà des gros titres, jette l'éponge après un trimestre laborieux. Elle abandonne avec d'autant moins de remords qu'elle ne s'y fait aucun ami dans son groupe d'études. Elle apprendra l'allemand en remplissant des grilles de mots croisés. Voilà tout. La maison des Wolf n'étant pas tout près du centre, la jeune fille a décidé de s'acheter une mobylette avec ses premiers salaires. À l'évidence, sa mère lui aurait interdit un tel achat. Mais voilà, maman est loin, elle n'en saura jamais rien. Sans compter qu'en Suisse, les dangers ne sont pas les mêmes que dans le sud de la France, où chacun sait que les chauffards sont nombreux. Dans le garage d'Auberville, Faustine repère une petite mobylette neuve toute simple, payable en 2 fois. Le garagiste complaisant lui en apprend le maniement en quelques minutes. Toute fière, elle remonte à la maison avec son engin. Désormais un peu plus rapide dans les travaux ménagers, elle profite des dernières belles soirées d'automne pour explorer les environs sur son 2 roues. Pas besoin de connaître le code de la route pour piloter sa monture, il lui suffit juste d'être attentive aux rails de tramway quand elle va en ville et de longer le trottoir. Parfois, elle décide d'aller dans l'autre direction, vers la frontière française, histoire d'échapper aux consonances gutturales de son environnement. Hélas, elle en est pour ses frais. Les petits paysans alsaciens qu'elle côtoie de l'autre côté éructent un patois tout aussi lourd. La balade est belle pourtant dans ce sens-là. Elle traverse des prés, des champs et une forêt bien entretenue. Franchir la frontière est si simple. Il n'y a plus de douane ni de contrôle depuis bien longtemps sur cette petite route. Faustine s'imagine en contrebandière. Comme ce serait facile de passer des cigarettes ou des messages. Comme elle aurait été superbe aux résistantes pendant la guerre, elle en aurait fait passer des réfugiés, elle, et gratuitement encore. Grâce à sa mobylette, Faustine profite pleinement de tous ses week-ends de congé. Quand il fait beau, elle file en Allemagne, à 30 km de là, retrouver ses amis du camping. Sinon, elle se promène en ville à la recherche de livres ou de magazines en français. Il y en a à foison dans le kiosque de la gare, mais ils sont chers. Depuis qu'Alexandre Solzhenitsyn a été accueilli en Suisse au début de l'année, on trouve le pavillon des cancéreux partout, mais hélas pas en français. En parcourant les rues de sa ville natale, Faustine se demande où peut bien loger son père. Elle a promis à maman, avant de partir, de ne pas essayer de le contacter sans le lui dire. mais bien évidemment, elle a immédiatement cherché et trouvé son numéro de téléphone dans l'annuaire. Tremblante, elle a appelé à 2 ou 3 reprises. C'est toujours une femme qui répond. Alors elle raccroche. L'hiver venant, Faustine décide de refaire du patin à glace. La patinoire de Bâle est immense, bien plus intéressante que celle de Montchoisy à Lausanne. Après plusieurs tours de piste, la jeune fille entend un groupe de garçons de son âge parler en français. Curieuse, elle s'approche et fait connaissance. Ils sont 7 ou 8, débarquant de Saint-Louis en France voisine. Ils aiment bien blaguer, sortir ensemble. Très vite, Faustine devient leur mascotte. Elle les retrouve le samedi ou le dimanche. Attirée par Danny, le chef du groupe, elle est accueillie chez lui sans réserve. Commence alors une période de week-end bien occupée. Caresses et embrassades chez le jeune homme quand il pleut, rencontre avec les copains le reste du temps. Sitôt que le froid est bien installé, les Wolfs demandent à Faustine si elle accepterait de tenir un stand de poissons frais devant la Migros pour eux. C'est bien payé et ce n'est pas très difficile. Intéressée, la jeune fille accepte volontiers cette nouvelle expérience. Elle a toujours aimé jouer à la marchande. Ainsi, le samedi matin est désormais consacré à ce nouveau travail. Dès 6 heures, elle accueille sur place le camion qui lui livre la marchandise et la glace vive. Elle installe ses poissons sur leur lit réfrigéré, décore les bacs de brins de persil et de demi-citron. Elle a appris, vite fait, à les vider sur demande et à compter en suisse allemand pour rendre la monnaie. Son petit business fonctionne très bien. Elle a un franc succès. À 10 heures, elle s'offre un merveilleux petit pâté à la viande chez le traiteur, dont le stand est juste derrière elle. Vers midi, les Wolfs reviennent. Ils l'aident à tout remballer. Elle reçoit un joli pourcentage pour ce travail d'une matinée. Au début, elle est bénéficiaire. Mais par la suite, comme elle oublie fréquemment de fermer sa caisse quand elle va chercher son encas, elle est régulièrement cambriolée. Il n'y a plus d'adulte honnête. Cela n'empêchera pas Faustine, après une bonne heure sous la douche, pour tenter d'évacuer l'odeur tenace du poisson, d'aller retrouver ses copains en Alsace. Elle s'asperge d'eau de Cologne et sait le froid et le vent pendant le trajet en mobylette qui finissent le boulot de purification. À Saint-Louis, elle prend ses marques dans la bande. Les gars sont vraiment sympas. Le plus pauvre possède un vélo et le plus riche, Danny, une petite moto 125 cm3. Ils ont tout de suite trafiqué la meuble de Faustine pour la gonfler en puissance et en bruit. Quand tous décident d'aller boire un lait grenadine au centre-ville, ils empruntent la plus longue rue de Bâle dans leur équipage atypique. En tête vient le vélo, puis Faustine sur sa mobylette suivie de plusieurs montures plus ou moins traficotées avec la 125 de Danny qui ferme la marche. En tout, une dizaine de bécanes à la queue leu-leu qui ralentissent en brin le trafic. D'autres fois, les jeunes restent en France et vont s'amuser dans une ancienne carrière. Ils passent leur temps à se défier au cross ou à jouer du grand arrêt. Il s'agit de lancer le couteau entre les jambes de l'adversaire pour qu'il les écarte de plus en plus loin. Jusqu'au moment où il perd l'équilibre. Le couteau automatique que Faustine s'est acheté à Antibes l'an passé fait déjà loup. Cependant, comme elle se montre habile et atteint sa cible 4 fois sur 5, elle bénéficie bientôt du respect de ses potes. Un week-end particulièrement magnifique, Faustine et Danny décident de descendre en train à Lausanne. Faustine a de quoi payer un aller-retour pour 2 et quelques repas. La jeune fille est ravie de revoir la ville de son enfance. Elle montre à Danny tous les endroits qu'elle connaît. Malheureusement, pour dormir, ils doivent aller jusqu'à Montreux, où se trouve la seule auberge de jeunesse de la Riviera vaudoise. C'est un trajet en train qui n'était pas prévu. Tant pis, ils se contenteront d'une pizza pour 2. Pour couronner le tout, les dortoirs des garçons et des filles sont séparés. Ce n'est pas qu'ils soient amants. Faustine attend toujours une demande en mariage avant de passer à l'acte. Ce qui, avec un garçon de 18 ans, n'est pas près d'arriver, admettons-le. Mais elle aime bien se nicher dans ses bras pour un moment de tendresse avant de s'endormir. Le lendemain matin, ils repartent vers Lausanne sans petit déjeuner, l'auberge de jeunesse ayant été plus chère que prévu. Ils n'ont plus un sou. Ils font de l'autostop. À la sortie de Montreux, une grosse berline les prend en charge. Danny monte derrière, Faustine devant. Le conducteur n'est pas très bavard. Faustine non plus. L'ambiance est à la morosité, mais bon, il fait grand soleil, le paysage défile. 40 minutes plus tard, ils arrivent à destination. En regardant la voiture s'éloigner, Dany raconte à Faustine que sur la plage arrière, caché sous un coussin, il y avait un gros paquet de fric. Se doutant d'une possible arnaque, « Puisque t'as pris mon fric, tu me donnes la fille, sinon je porte plainte. » Il n'y a pas touché. Ouf! Faustine a échappé belle, on dirait. Les jeunes gens montent en ville en quête de nourriture. Par chance, ils tombent sur le salon des arts ménagers. Pas d'entrée à payer, et tous ces robots qui râpent, émincent et coupent à tour de roue, fruits, légumes, lamelles de fromage et charcuterie, sont vraiment faits pour nos affamés, qui dégustent sans vergogne. Ne manque plus que le pain. Le seul défaut de ses compagnons, pense Faustine de retour à Bâle, c'est qu'il fume des joints. Prévenue répétitivement par maman des dangers de la drogue, Faustine est résolument contre. La drogue, pas maman. Elle essaye par tous les moyens d'enlever cette vilaine habitude à Dany. En vain, le jeune homme simule même une épouvantable crise de manque pour que Faustine, terrorisée, le laisse vivre sa vie. Pendant quelque temps, elle fait semblant de tolérer la situation, allant même jusqu'à passer pour le groupe quelques grammes de substance à travers la frontière. Les garçons se font arrêter régulièrement et passent à la fouille. Mais la jeune fille à la mine angélique ne craint rien. Alors, ils en profitent. À Noël, les Wolfs, qui ont acheté et installé un mobilhome à la montagne, partent skier. Faustine les accompagne pour garder les garçons les soirs où leurs parents sortent. Le reste du temps, comme elle ne skie pas, elle s'ennuie comme un rat mort. Passant ses soirées seule à siroter des cognacs aux œufs dans l'unique bistrot du coin. Frustrée, elle rumine. Ça sent le ras-le-bol. Déjà que le saumon fumé qu'elle a fait envoyer à sa famille 3 semaines avant les fêtes est arrivé complètement pourri. Et puis, franchement, elle pensait que la vie de jeune fille au père serait un peu plus intéressante. À Aubervilles, on la tolère à peine désormais, car on se méfie de ses fréquentations douteuses. Quant à ses copains français, ils apprécient de moins en moins ses sermons moralisateurs. Bref, il est temps de prendre le taureau par les cornes et la tangente par la même occasion.